C'est toi mon cœur, pourquoi me fais souffrir? Cesse me fait souffrir, Lilié, je suis toujours pour toi. Je t'en supplie, ma chérie, mon ami. Quand j'ai reçu la lettre, ami, tu m'as envoyé. Pendant la nuit, je te rêve comme si c'était la télévision. Mon ami, tu m'as augmenté encore beaucoup de soucis. Réserve-toi, sinon tu seras coupable pour rien. Mon ami, mon ami, mon ami. Réserve-toi, sinon tu seras coupable pour rien. Mon ami, mon ami, mon ami. Quand j'ai reçu la lettre, ami, tu m'as envoyé. Pendant la nuit, je te rêve comme si c'était la télévision. Mon ami, tu m'as augmenté encore beaucoup de soucis. Réserve-toi, sinon tu seras coupable pour rien. Mon ami, mon ami, mon ami. Réserve-toi, sinon tu seras coupable pour rien. Mon ami, mon ami, mon ami. Si mangana motema yo kama manenge kometa motema mwana mote kami moto moto lokola soso ekobeta kudukue lokola na kufa. Si mangana motema yo kama manenge kometa motema mwana mote kami moto moto lokola soso ekobeta kudukue lokola na kufa. Thank you. Et on a mélo mon ami.